بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل والصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب ما أحد البابين الذين أخذناه سابقا التوكل التوكل ما هو التوكل التعريف ما تعرف التعريف ضروري تحفظ التعريف هو ما يقرب التعريف كنا والاعتماد على الله بالصدق والأخذ بالأسباب من ستو يمبيك لمو اكزاكت ستو يمبيك لمعنى donc ce qu'il y avait à retenir c'est ما الحكم من يعتمد على الأسباب celui qui se base sur les أسباب c'est quoi ce حكم celui qui se base sur les أسباب se repose sur les أسباب seulement C'est quoi ce hukm? Que les asbab. Ah non? Shirk. Et celui qui délaisse les asbab. Ça entend sur le sharia. Naam, fi hikmatillahi ta'ala. Wallazi law laysa law tawakkul ma hukmuhu? Kafir. Kafir. Tawakkul min shart al-iman. ما هي ما هو القول الذي ينبغي أن يقول أن يقوله المؤمن عند الشدائد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل أيوة حسبي الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل et cela n'empêche pas de prendre asbab malgré tout والباب الذي بعده ما هو يتعلق بمكر الله Non, entre la peur et l'espoir. La peur de quoi? Du châtiment d'Allah, du châtiment. Et l'espoir de quoi? De l'être récompensé, du jugement. Et celui qui désespère de la rahma d'Allah, c'est quoi le jugement de, ce, de cela? Celui qui désespère de la rahma. Al-Yasmi rahmatillah, ma hukmuha. On l'a pris, mon bête. C'est quoi son jugement? Sur la personne qui a quelqu'un. Cet acte en lui-même, c'est un acte du cœur, mais c'est quoi son jugement? Okay. C'est un kabira. Min al kabair, ah ça. Min al kabair. Wal-amn min makrillah, se sentir à l'abri. Pareil. C'est une kabira, mais c'est... Al-makr min sifatillah. Le makr. Lakin laysa min al-asma. La yutlaq ala Allah binahu al-makir. Non, on ne dit pas de Allah qu'il est le makir. طيب سندخل في باب اليوم ناخذ بابا واحدا ان شاء الله parce que les deux babs qui viennent après sont liés donc je voulais pas faire celle-ci celle d'après donc on va prendre celle-ci toute seule elle est courte et les deux autres inshallah seront ensemble قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله que parmi fait partie de la foi que le fait de patienter sur ce que Allah a décrété dans le destin. فَعَلَى يَتَعَلَقْ بِمَسَلَةِ الْإِيمَانِ et à sabr ce qu'on a duré par la patience, l'endurance, le fait de supporter ce que ou d'endurer ou plutôt supporter ce que tu endures comme épreuve un sabr ou un habs un nefs un tasakhut habs un nefs à la ta'atillah le fait de retenir son nefs de toute rébellion et de la maintenir sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas désobéir, et de ne pas se lamenter ou se plaindre. كما يعلم يعلم أن الله من الإيمان بالله التذكر أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته ورسله باليوم الآخر بقدر خيله وشره. C'est ça le shahid qu'on voulait. C'est-à-dire, tu crois ce que Allah a décrété, que cela soit un bien ou un mal à tes yeux. Tu y crois, donc cela inclut que tu patientes sur ce qui t'arrive. قال المؤلف وبل الشارح رحمه الله تعالى أراد المؤلف أن يبين أن الصبر على ما يقدره الله من الإيمان وأن المؤمن لا ينبغي له أن يجزع عند المصيبة في نفسه أو ولده أو ماله وأهله بل يتحمل. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا بعد قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف الآية. وقال واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Donc il dit que l'auteur a voulu par là démontrer que le fait de patienter ce que Allah aura décrété et prédestiné, cela fait partie de la foi, de l'iman, que le mu'min il ne doit pas s'irriter, se lamenter, soulever dans lors des calamités et des épreuves en lui-même, dans sa personne ou ses enfants ou dans ses biens ou sa famille, mais il doit endurer, supporter cela, comme Allah dans le sens où il dit et fait la bonne annonce aux patients, ceux lorsqu'une épreuve les touche ils disent certes nous sommes à Allah et certes c'est vers lui que nous revenons. Et cela dans ce verset après qu'il est dit dans le sens nous allons certes vous éprouver par un peu de peur, le verset. Et bien, rahmatillah, c'est pas toute la peur. Chemnil khouf. Toute la peur, on ne se porterait pas. Et alors, dans le sens où il a dit, et patienter ou endurer, certes, Allah est avec les endurants. Et dans le sens, Allah dit que ceux qui ont patienté, les endurants, auront leur récompense. Rendre le compte. هذا الذي يظهر. ثم قال المؤلف في المتن وقال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويسلم. Le Shir dit par rapport à cela, au commentaire, ou plutôt, d'abord on n'a pas traduit au nom, que dans le sens où il dit, et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Et Al-Qama, il a dit, que c'est qui cet homme-là qui croit en Allah, dont le cœur est guidé? C'est l'homme qui est atteint d'une épreuve, et qu'il sait qu'elle provient d'Allah, alors il agrée cela, et il endure. Il accepte. C'est-à-dire que يؤمنوا بأن الله قضى وقدر المصيبة فيحتسب ولا يجزع وبهذا يهدي الله قلبه للخير ويطمئنه ويسدده بسبب عمله الطيب. C'est-à-dire qu'il faut croyance que ces choses qu'il atteigne ne proviennent que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il ne se Yani il fait preuve de patience. Il se résigne. Et c'est par cette cause-là que Allah guide son cœur pour le bien. Il le rassure, il l'apaise et le met sur la justesse. Pourquoi ? Par la cause de ses bonnes œuvres. Et on sait que ces épreuves proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a parlé Azza wa Jal, ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Que rien ne t'a atteint si ce n'est par le fait que Allah l'a autorisé. Cette épreuve, à la base, c'est qu'elle provient de nos propres actes. Wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum. Et qu'aucune épreuve ne vous est parvenue si ce n'est parce que vos mains ont causé. C'est la base. Maintenant, pour des gens, ça peut être une cause d'élévation en degré, et d'autres, une cause de punition. Bihasb ma fi qalb al-abd wa bihasb ma qama bihi min amal. Ça dépend de ce qu'il a fait. Comme a dit le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر والحديث متفق عليه. Il a dit que celui qui s'efforce à patienter, Allah le fera patienter. C'est-à-dire que toi déjà tu vas de l'avant. Tamam. Et il dit que personne n'a reçu de don meilleur et plus grand que le sabr. Et sans patience, tu n'arrives à rien. L'islam demande de la patience. L'istiqama demande de la patience. Tamassouk bid-din demande de la patience. Comme a dit le hadith, dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que viendra à temps où celui qui sera masik bid-dinihi, quelqu'un bid al-jumra fiyadi, que le viendra à temps où celui qui sera accroché à sa religion soit comme celui qui tient une braise incandescente dans sa main. Demande-moi une braise dans la main. Qu'est-ce que tu fais? Tout tu la lâches, elle te brûle la main. Et bien là, tu la tiens. C'est-à-dire, c'est dur, tu as envie de lâcher. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais l'effort, tu t'accroches. Et là, comme dans le hadith, il dit, celui, man est à sabr, c'est-à-dire qu'il s'efforce à vouloir patienter, Allah lui rajoute du sabr. Il faut qu'il le veuille déjà lui aussi. Il faut qu'il le veuille déjà, il fasse ses causes pour cela. Wajaa fi hadith kadhalik. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة كانت تبكي عند قبر لصبي لها قال لها اتقي الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لن تصيب بمصيبتي. Il avait une femme en train de pleurer près d'une tombe de son fils qui était mort. Il lui a dit, crains Allah et patiente. Elle a dit, il est honte de moi car tu n'as pas été atteint parce que j'étais atteint. Mais elle ne savait pas qui c'est qui lui parlait. C'était le Nabi صلى الله عليه وسلم, elle ne savait pas. Après on lui a dit que c'était lui. Après, elle s'est sentie mal à l'aise parce qu'elle a dit. Elle s'est rendue auprès de sa maison pour lui dire Ma a'arifouk ou ma a'arifouk. Va call innama as-sabru inda sadmatil oula. Il lui a dit, la patience n'est que dans le premier choc. C'est-à-dire que dès que quelque chose t'atteint, c'est là où on voit qu'il est patient. Ce qui, dès le début, tu le vois, il endure. C'est pas, il fait une crise après Iska, mais il dit, on va patienter. On dit, tu patientes, mais la vraie patience, c'est depuis le début, il fallait l'avoir. Parce que maintenant, tout ce que tu as devant toi, tu te sens mieux, bilachek. Mais le patient, celui dès le début, il est touché par la calamité ou par l'épreuve, dès le début, il tient. C'est pas, il se rebelle, il fait des remarques aux gens, tu sais pas ce qui m'est arrivé, de toute façon, tu connais pas, et kaza, et kaza. C'est possible, on sait pas ce qui est arrivé. Mais quelqu'un te dit pas, dis-moi qu'est-ce qui est arrivé, il te dit patiente. Déjà, dans des épreuves, tu leur dis, Yari, ce que tu fais là, Mathalène, c'est pas un adab shalai. Tu te plains, tu te lamentes. Il te dit, tu sais pas ce qui m'est arrivé, tu comprends pas. Elle dit, non, c'est possible, je ne te comprends pas. Mais ce que je te dis là, c'est nous aussi, il y a du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alayka bi sabr fi hada. Donc, le kalam que tu dis, le comportement que tu as, mayali kobik, convient pas à ce moment-là. Car tu nous, en faisant cela, je te fais un rappel pour que tu aies quoi? Le agir de la patience. Ahemt? Comme a dit fil aya, innama yuwafa sabiruna ajruhum bi ghayri hisab. Que celui qui patiente aura sa récompense sans rendre le compte. Donc nous on veut cela pour toi. Donc on t'incite à quoi? À patienter. Pas te rebeller, à te lamenter. et ainsi de suite. Comme c'est le cas de beaucoup de gens en cette époque. Et ça, c'est un dhorf de l'iman. Un dhorf de l'iman. ثم قال المؤلف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النصب والنياحة والنياحة على الميت selon Abu Huraira que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit deux choses parmi les gens sont du kufr qui est la diffamation dans la lignée des origines et un niyaha sur le mort. On avait dit c'est quoi le niyaha? C'est le fait de se lamenter lors de l'épreuve en se tirant les cheveux, en se giflant, en se déchirant les vêtements, en criant wa akaza. Car cela montre à quoi? Que tu n'agrées pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Maintenant, lorsqu'il dit dans le kalam de Al-Qama que celui que Allah guide son cœur, il avait dit quoi? Yarda yusallam. Ça veut dire il agrée et se soumet. Quand on dit il agrée, c'est pas il va provoquer, c'est que seulement il agrée dans le sens que c'est Allah qui a décrété cela. Donc la chose, il dit samin d'Allah, alhamdulillah. Ala kulli hal, comme on dit. Et là, il se rappelle du verset. Alladhina iza asabatum musibatun qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est ce genre de parole qu'il faut dire à ce moment-là. Al-Qama, le sens, je ne sais pas, c'est le nom d'un homme. Un tabi'i. Et ce hadith-là, on l'a déjà appris. Que parmi les, il y a des choses de la jahiliya que la communauté ne délaissera pas. Et parmi elles, celle-ci. Il y avait Awalan al-Iftikhar bil-Ansab. Et là, lorsqu'il dit kufr, il veut dire kufr ashar. Kufr ashar. Mais le kufr ashar rentre dans quoi? Dans le kabaïr, à la colline. ثم قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Toujours selon Bukhari Muslim, selon Ibn Mas'ud, qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie de nous celui qui se frappe les joues, qui déchire ses vêtements en haut et qui crie d'un appel de la jahiliya. Et le hadith également, on l'avait pris auparavant. Il veut dire quoi par laissa minna? C'est un kafir? Non. Et ça, c'est un grand manque de sabre. Ça, c'est quelqu'un qui a un iman très très faible. Par exemple, une personne, son enfant vient à mourir, et tu le vois, il fait une crise, il hurle. Comme les gens, des fois, ils font les koufas, ils disent pourquoi? Et quand ils disent pourquoi, ils demandent à qui d'après toi? Ils lèvent vers le ciel, ils disent pourquoi? C'est Allah qui demande des comptes. Comme le dit Azawajel, la yus'alu an ma yaf'alu wa hum yus'alun. N'interroge pas sur ce qu'il fait. Ou écrit, tu les vois, écrit non, ils sont pas contents. Tu vois, pourquoi? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas qu'est-ce que j'ai fait. Il n'y a pas non, il n'y a pas pourquoi. Qaddar Allah ma sha fa'al. Et qu'est-ce que tu as fait? Ben justement, si tu es un musulman asi, remets-toi en question. Si t'es un pieux, la'allahu rafda rajat, pour effacer tes péchés, t'es les 20 degrés. Et si t'es un kafir, bah, qu'est-ce que t'as fait? Bah t'es un kafir. Tu vois? Et à ce moment-là, remercie Allah que ce soit ton enfant qui soit mort et pas toi. Parce que même si ce sera été toi, tu serais jannam. Là, t'as encore un espoir de pouvoir te repentir et revenir vers la vérité. Justement, c'est un rappel pour toi. Regarde, ton enfant, ton proche, il est mort. Lui, c'est fini. Toi, t'es encore là. Donc réalise un petit peu, remets-toi en question. Dans quoi tu vis, dans quoi tu es, c'est quoi ta croyance, c'est quoi ton devenir. Réfléchis à ça. Ce que tu vois comme étant une grosse moussiba, c'est peut-être une rahma d'Allah pour toi, car ça aurait pu être toi à la place de cette personne qui est morte. Et si jamais c'est un enfant, à la koul al-rajih, wa nal al-jannah, inshallah ta'ala. Mais toi, t'es baalir, tu es un kafir. c'est quoi ton sort qui t'attend si tu meurs là-dessus? C'est le kufr, c'est le nar, yani. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رضى الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا رضى بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وهذا رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني. Selon Anas, qu'il est dit, sallallahu alayhi wa sallam, que si Allah veut un bien pour son serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui précipite, on va dire, la punition en cette dunya. Et si jamais il lui veut du mal, c'est-à-dire un mal dans le sens où que ce abd devra subir ce qu'il mérite, et non pas que Allah veut lui faire du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse avec son péché jusqu'à ce qu'il meure et qu'il vienne avec le Yawm al-Qiyamah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن راضي فله رضا أو راضي رضا نارمه ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي وكذلك حسنه الألباني رحمة الله تعالى عليه. فقال الشيخ في تعليقنا على هذا الكلام قال إذا أراد بعبدي تكفير سيئات عجل له العقوبة إما بالفقر وإما بالمرض أو بالمرض أو تلف ماله فيكفر الله بها خطاياه وسيئاته وإذا رضى الشر أمسك عنه بذنبه فيكون معافى في كل شيء حتى يوفى ذنوبه كلها في الآخرة فيكون أشد من الدنيا. Si jamais Allah veut expier les fautes de son serviteur, il lui expie en cette dunya en faisant quoi? Que l'épreuve l'atteigne plus vite afin de pouvoir expier ses fautes. Comme par exemple, ça peut être par la pauvreté, ça peut être par la maladie, ça peut être par la perte des biens ou autre, toutes les choses qui lui font mal, par lesquelles Allah efface ses fautes. Et si par contre, ce qu'on appelle istidraj du abd, il le laisse, tu vois qu'il perdure dans le mal et qu'il ne lui arrive rien du tout, c'est que Allah le laisse pour qu'il vienne avec tout ce mal au Yawm al-Qiyamah, et là il aura un combat encore plus grave et encore plus dur pour lui. Dans le hadith, il est venu que si tu vois l'homme perdurer sur les péchés, le asi, et que là il donne tout ce qu'il veut, ala istidraj lahu, tu le vois faire ceci, faire cela, et malgré tout tu le vois, il est comblé de bienfaits autour de lui. Richesse, santé, intelligence, mathalan, confort, notoriété auprès des gens. Et tu le vois, c'est un grand zalim. Il ne lui arrive rien du tout. Et son mal, il est apparent. Et il continue, continue, continue. Ça, c'est pas du tout un bon signe pour lui. Car il peut te dire, regarde, il m'arrive rien, moi. Si j'étais un mauvais, Allah, il m'aurait déjà châtié. On dit justement, il se peut que tout ce que tu fais là maintenant, là, c'est retenu pour Yawm al-Qiyamah, ça sera achat d'Alaïch. Et en plus, Allah te dit, ah, je te donnais telle et telle chose, telle et telle chose, telle et telle chose, qu'est-ce que tu as fait avec? Alors que le miskin, l'autre, il n'avait rien, pas grand-chose, Yawm al-Qiyamah sera rafif sur lui. Il n'aura pas beaucoup de comptes à rendre par rapport à ses biens qu'il n'en avait pas. Contrairement à l'autre, il avait des richesses énormes. Dans quoi les a-t-il dépensés? Qu'a-t-il fait avec? A-t-il été reconnaissant des bienfaits d'Allah sur lui? Et après, comme il dit que justement, que la grandeur de la rétribution est en mesure de la grandeur de l'épreuve. Et que si Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui agresse cela, alors il aura l'agrément. Et celui qui se révolte, qui n'aime pas, il aura la colère. Il aura la colère. Donc cela est une chose qui, quand il t'arrive une épreuve dans ta vie, à Walen, on a dit quoi? Un sabre, dès le début tu patientes. Tu fais istighfar, tu fais tawbah, tu te remets en question. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et même tu t'en es pas rendu compte, tu fais istighfar. Et tu espères par cela que Allah, tamam, efface tes fautes passées et tes lèvres en degré. Donc tu es une forme de consolation, ce qui t'aide à passer sur l'épreuve. Et tu es dans l'espoir que Allah te pardonne. Alors que comme on l'a pris dans les douloureux précédents, mais tu es dans la peur seulement, que la peur et la peur, il se peut que tu désespères. Tu tombes d'un péché à un autre. Et tu verras que le musulman, lorsqu'il est éprouvé d'une dure épreuve, et que celle-ci ne l'amène pas, Nassalène, à tomber dans une marcia, où tu ne vois pas de lui un rabaissement dans sa religion, malgré qu'il arrive la tête haute, il reste mustaqim, c'est un signe de, Inch'Allah, qu'il est élevé en degré. Mais quand tu vois, il est touché par une épreuve, il tombe dans les marasi, il devient humilié, il fait des choses rabaissantes pour lui ou quoi, il va chercher à aller, il n'y a qu'un hadim, kawiyya, achetez-moi dans l'asmantala sur lui pour de vrai. Donc là, c'est un ders pour ceux qui disent aux gens, ça, c'est à cause de vos péchés. Ça, c'est à cause de vos péchés. Quand une grosse épreuve elle arrive, à des gens à la base, mustaqimin. On dit, non, les péchés sont là, il n'y a pas de doute. Tu vois? Mais on dirait qu'ils sont contents que ça t'arrive, ces gens-là. Et il se peut que, par cette épreuve-là qu'il est arrivé, ses péchés lui ont été effacés. Alors que l'autre, il te dit à cause de tes péchés à longueur de journée, pour te rabaisser. Et lui, il continue dans les péchés, il ne lui arrive rien. Donc il se croit bien. Il dit, moi, il ne m'a fait pas tout cela. On dit, les péchés, tout le monde en fait. C'est obligatoire que tu en fasses. Hein, que le fait que tu fasses, il y a des stirkar, il y a des tarqués des rois, tout en leur disant, c'est à cause de tes péchés, ainsi de suite, en leur rabaissant, sans lui faire tendre la main pour qu'il revienne, non, ça, et juste, tu veux le piétiner, ça peut te valoir. Un châtiment très douloureux, cela, Yom Lakayam. Donc là, l'épreuve, peut-être également une preuve d'amour d'Allah pour son peuple, pour les réveiller. Surtout quand ça arrive aux musulmans, pour qu'ils reviennent à leur religion. Le châtiment qui arrive aux kafirs n'est pas comme celui qui arrive aux musulmans. Par exemple, demain, t'entends qu'il y a eu un tremblement de terre en pays d'islam, et un tremblement de terre en pays de Kouf, c'est pas pareil. Le pays d'islam, c'est une épreuve pour eux, dure, mais un rappel, parce qu'ils savent, pour leur dire, revenez à Oudine. Alors que le kafir, nous, ça se trouve, c'est pour l'exterminer. Et peut-être également pour un retour pour certains d'entre eux qui auraient un minimum de raisons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous arrive? C'est pas pareil. Car les musulmans, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils reviennent tout de suite. À la base, c'est un rappel pour eux. Mais c'est ce qui arrive actuellement au Yémen, là. C'est un peuple qui a beaucoup de khayr. On espère que cette épreuve qui vient avec les houthis et les alikas soit une épreuve pour que le peuple yéménite réalise le bienfait d'Allah sur lui et qu'il revienne vers sa religion. Mais quoi? À la base, c'est un peuple qui est kawi dans son djinn. Et peut-être qu'Allah veut qu'il soit encore plus. Encore plus en éveil sur leur religion. Car leur forage, leur secours, c'est pas à part les armes. C'est pas le djinn. Tamasuk bid djinn. Aza ou al-faraj. Al-haqiqi, al-assassi. Donc le shir, il dit, par rapport à ça, il rappelle le hadith. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال يبتلى المرء ولا قدر دينه رواه الترمذي وكذلك صححه الألباني que les gens qui ont les plus grandes épreuves sont les anbiya puis ceux d'après eux c'est-à-dire les gens les plus pieux et ainsi de suite et que le muslim ou plutôt que l'homme est éprouvé dans sa religion en mesure de son attache à la religion plus sa foi elle est forte plus l'épreuve s'agrandit. Donc déjà également, ça c'est une consolation pour les gens pieux qui ont de grosses épreuves, qui leur arrivent des choses très très dures à supporter. Et ils tiennent malgré tout. C'est-à-dire, il se peut que cela démontre que toi, tu es quelqu'un qui a un haut rang. Tu es quelqu'un de fort en religion. Car l'épreuve que tu as subie, beaucoup auraient craqué. Quand on lit le hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait de ceux d'avant nous, on faisait un trou pour lui dans la terre, on n'est qu'une scie, on le fiait à la tête pour dire reviens à ta religion, on disait non. Avec une scie, on le sciait la tête en deux. Qui aujourd'hui pourrait dire non? Une scie, c'est pas. Il vient avec une arme à feu et te menace de mettre une balle. Une scie, ça veut dire ça. Tu vas pas mourir tout de suite. La tête, qui c'est qui va tenir aujourd'hui face à ça? Pour te dire la force qu'avaient les précédents avant nous. Il faut de l'Aïta'ala, Allah que notre faiblesse, nous ne sommes pas éprouvés par cela. Sans quoi, beaucoup d'entre nous pourraient retourner en arrière. Wal'a'adhu billah. Naam. Donc là, c'est une consolation également que celui qui est fort dans sa religion, son épreuve sera plus forte également pour lui. طيب نقول ناخذ المسائل من هذا السبب سبب في الموعظه c'est un rappel surtout à cette époque où les fitnes sont devenues très nombreuses les ennemis sont devenus très nombreux غربت الدين اشتدت علينا قال في مسائل الاولى تفسير ايه التغابن تفسير du verset التغابن الثانية أن هذا من الإيمان بالله cela fait partie de la foi en Allah la patience lors de l'épreuve ثالثة attendre في النصب le fait de diffamer les origines la lignée cela est du kufr رابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية la dure menace qui plane sur celui qui saura frapper les joues qui aura déchiré ses vêtements et qui aura crié d'un appel de la jahiliya lors de l'épreuve. يعني النياحة. الخامسة عرمت إرادة الله بعبدي الخير. Les signes qui montrent que Allah veut le bien pour son serviteur. السادسة عرمت إرادة الله بعبدي الشر. Les signes qui démontrent que Allah veut pour son serviteur du mal. Et on a dit le mal en fait il est relatif. Mais qui veut le faire prendre ce qu'il mérite d'avoir. Pour le mal que lui-même a causé en premier lieu par ses mains. السابعه علامات حب حب الله للعبد le signe d'amour d'Allah pour son serviteur c'est quoi l'épreuve donc les gens que tu les vois qui sont à l'aise tout en bonne santé qui n'ont pas de problème pour tout ce qu'ils veulent à leur place je m'inquiéterais الثامنه تحريم السخط le fait l'interdiction de se rebeller de se mettre en colère التاسعه ثواب الرضا بالبلاء le fait la récompense que aura celui qui aura agréé l'épreuve qu'il aura subie نعم فالصبر والثبات يا عباد الله là-dessus faut patienter lors des épreuves pas aller de l'avant et surtout ne pas tomber dans la marsiya par peur de subir l'épreuve. Combien de gens ont délaissé des adorations en Arvima par peur de l'épreuve, comme par exemple la Hijra. Beaucoup ne partent pas par preuve. C'est ça qu'ils ont peur, l'épreuve. La pauvreté, la solitude, ne plus voir les proches, tout cela. Mais s'ils savaient la récompense qu'il y avait derrière, Yom El-Qiyama, les gens les accourraient pour la faire. Naam. وبيذكرنا نكتفي نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك